une rasta. Willy Willy, j'suis pêche rata. Bega bega, pina colada. Oh ya baba, mal à la tête. Oh la la la, j'sais pas m'arrêter. C'est à moi un autre. Oh mira, tu danses là pour moi jusqu'à l'heure. Maquillage, un jour la visage, mais je sais que ce n'est qu'un mirage. Amira, Amira, Amira, tu n'es qu'un mirage. Amira, Amira, Amira, tu n'es qu'un mirage. Amira, Amira, Amira, tu n'es qu'un mirage. Amira, Amira, Amira, tu n'es qu'un mirage. Tu n'es qu'un mirage. Dérange pas, j'suis avec mes fratello. J'te ferai la cour et l'amour en tello. Moi j'veux ton corps quand tu veux mes lots. Après cette nuit là, oubliera l'autre. Mais qu'est-ce t'as fait? Tu les as tous à tes pieds, moi j'suis fait. J'me resserre à verre de dompé, comment tu fais? J'crois qu'elle m'a mis quelque chose, j'suis pas parfait. Mais toi t'es une vraie gitana. J'veux pas ta mano, j'suis trop parano. J'suis un salaud. Elle le sait, elle, tu es un salaud. Et je finirai solo. Aime des visages, derrière son maquillage. Un jour la visage, mais je sais que ce n'est qu'un mirage. Amira, Amira, Amira, tu n'es qu'un mirage. Amira, Amira, Amira, tu n'es qu'un mirage. Yeah, that's me, yeah.